Les officiels des représentations des institutions internationales en Corée, dont le Programme mondial de l'alimentation, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, la représentation de la coopération de l'Union européenne, l'Office de la coopération du ministère des Affaires étrangères de la Confédération helvétique et la délégation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en mission en Corée se sont tankés le 27 des dégâts de sécheresse dans des fermes coopératives des arrondissements de Tunyul, Danak et de Samcheon de la province du Fangye du Sud. Ils ont compris la gravité des dégâts de la sécheresse et exprimé leur intention d'offrir une coopération nécessaire.